Chapitre 6e. Cependant, la succession commençait à mener grand bruit par la ville. On prenait parti pour ou contre. Du côté des incrédules se rangeait naturellement Maître Boblique. Bouillard avait choisi un autre notaire pour rédiger les procurations des héritiers. Une étude rivale bénéficiait de cette affluence de clients improvisés, et le petit tabellion poussait jusqu'à l'excès la jalousie du métier. Aussi déblatéra-t-il contre la succession avec une âpreté passionnée. Sénéchal avait d'abord partagé les préventions de son patron, mais il n'était pas le maître au logis et ne savait pas s'opposer aux réunions d'héritiers dont sa maison avait l'heureux privilège. D'ailleurs, ces conférences se terminaient d'ordinaire par un dîner, et nous savons déjà que la gourmandise était le faible de M. Sénéchal. La perspective d'un rôti appétissant ou d'un entremets sucré alanguissait singulièrement l'énergie de sa résistance. Après deux ou trois bons soupers, il passa timidement dans le camp des héritiers et promit de contribuer pour sa quote-part aux frais de la revendication. Quant à Toussaint, il maudissait la succession morale à l'égal de Maître Boblique. L'aplomb impertinent du Parisien, son éloquence théâtrale, son cynisme spirituel et sarcastique troublaient profondément Joseph et lui faisaient éprouver un sentiment de crainte et de répulsion. Aussi le soir, dans sa petite chambre, il ne trouvait pas d'invective assez amère pour accabler ce vagabond de Jacques Morel, cette ombre de Nabab, revenu exprès de l'autre monde pour ruiner ses espérances et tuer son bonheur. À la fin, toutes les procurations furent remises à la Genevraie, et il annonça qu'il partirait dès que les fonds seraient déposés chez l'avocat Bouillard. Emporté par un beau sentiment de gratitude, et aussi un peu poussé par l'avocat, tous les Morel se cotisèrent pour offrir un banquet à leur mandataire. Un dîner de 50 couverts fut commandé à l'hôtel de Metz. La Genevraie s'y rendit solennellement et prit la place d'honneur à côté d'Angèle et de Madame Sénéchal. Ce fut un curieux coup d'œil, et dont on parle encore à Baie, que ces 50 convives, pour la plupart vignerons, tisserands ou jardiniers, s'asseyant tout ébobis autour de la longue table en fer à cheval, étincelant de ruholes et de cristaux, tandis que les badauds s'amassaient aux fenêtres et que les garçons d'hôtel se pinçaient les lèvres pour ne pas rire. Dès le premier service, l'avocat porta un toast à la Genevraie, le célèbre voyageur, et le loua au nom du pays tout entier de son zèle pour les héritiers Morel. Gaspard écoutait avec un sérieux imperturbable, renversé sur sa chaise et secouant négligemment les miettes tombées sur sa cravate. Quand l'éloquence de l'avocat fut tarie, et que son robinet monotone eut versé sa dernière goutte sonore, la Genevraie se leva, passa la main dans son gilet, et de sa lente et dramatique voix de basse commença un speech plein d'humour, où il remercia ses commettants et exposa les démarches qu'il comptait faire. Il termina par une magnifique prosopopée où il évoqua la grande mémoire de Jacques Morel, et qui arracha des larmes à Madame Sénéchal. Là-dessus, on mangea ferme et on but d'autant. Tous les co-héritiers, qui n'avaient jamais tâté pareille chair, voulurent s'en donner pour leur argent. Au dessert, quelqu'un proposa de chanter, chacun sa chanson comme au bon vieux temps. À la seule pensée d'un pareil intermède, un frisson passa dans le dos de la Genevraie. « Non, s'écria-t-il, nous avons mieux que cela. Nous possédons ici, messieurs, une grande artiste, qui ne se doute pas de son beau talent et qui enfoncera Rachel si elle veut s'en donner la peine. » Priez Mademoiselle Sénéchal de vous réciter des vers et vous m'en direz des nouvelles. » Angèle rougit. Tous d'une seule voix demandèrent à la jeune fille de déclamer quelque chose, et plus pâle que sa robe blanche, mais surexcitée par le bruit, les lumières et le champagne, elle se leva, croisa ses beaux bras sur sa poitrine, puis commença la vigne en fleurs de René des Armoises. La pièce était à la fois lyrique et descriptive. Le poète avait essayé de rendre l'espèce de griserie produite par la fine senteur des vignes fleuries dans une tiède soirée de juin. Il se représentait pris lui-même par cette enivrante odeur. Il remplissait son verre et buvait joyeusement aux noces fécondes des vignes et de la poésie du vin. Dans ces verres imprégnés d'un naturalisme voluptueux, on respirait la laine du printemps et les chauds parfums de l'automne. On entendait les rumeurs du pressoir, le bouillonnement du mou écumeux dans la cuve, les rondes tumultueuses des vendangeurs, la nuit sur les coteaux. Puis le poète, sentant sa tête s'alourdir, laissait tomber sa coupe vide, et la pièce se terminait par cette apostrophe « Je m'endors ». Et là-bas, le frissonnant matin baigne les pampres verts d'une rougeur furtive. et toujours cette odeur amoureuse m'arrive, avec le dernier chant d'un rossignol lointain et les premiers cris de la grive. Ces vers furent accueillis par une salve d'applaudissements. Tous ces braves gens, illettrés pour la plupart, n'en furent pas moins pris par la musique des rimes, le charme du débit et surtout par la beauté d'Angèle. D'ailleurs, ce poème était fait pour toucher leur cœur. L'éloge du vin du pays remuait la fibre patriotique de cet auditoire et où les vignerons étaient en majorité. De plus, Angèle, avec sa voix de contralto, avait heureusement rendu le pétillement capiteux des vers de René. M. Sénéchal était ébahi, Mme Sénéchal pleurait. La jeune vraie embrassa Angèle, toute fière de son succès. « Admirable ! » cria-t-il à Mme Sénéchal. « Votre fille a du talent, et le talent à notre époque est une fortune. Elle forcera les portes du théâtre français quand elle voudra, et gagnera de l'argent gros comme vous, ma bonne dame. »« Oh ! » riposta Mme Sénéchal piquée. « Angèle n'a plus besoin d'en gagner. N'aura-t-elle pas les millions de Batavia ?»« Certainement. Mais en attendant, elle possède déjà des trésors qui ne sont pas à dédaigner. » Le grand art est d'un bien autre prix que des sacs d'écus, et votre fille a la vocation de la gloire. » Madame Sénéchal avalait tout cela doux comme miel. Quant à Angèle, son cœur battait, et dans son esprit passait un de ces vagues espoirs indéfinissables, pareils à ces bouffées d'avril, où l'on ne démêle aucun parfum distinct, mais qui sentent le printemps. On s'était remis à boire et à jaser. On trinquait à Jacques Morel. Les rêves de Perrette au Potelet n'étaient rien au prix des spéculations que les héritiers faisaient déjà avec leur part d'héritage. Tous ces pauvres diables, qui n'avaient de leur vie vu 1000 francs alignés tout d'une file, jonglaient avec les millions. Ils sirotaient leur vin comme si c'eût été de l'or potable, et devant leurs yeux troublés passaient des visions toutes resplendissantes des magnificences orientales. On n'entendait s'entrecroiser que des mots reluisants et dorés. Les serveurs eux-mêmes semblaient pris de cette fièvre du million, et ouvrait de grands yeux de convoitise. Debout, contre un buffet, la Genevraie frisait sa moustache en contemplant cette orgie de rêves sultanesques. De temps en temps, un sourire diabolique allumait ses yeux et retroussait les coins de ses lèvres désillusionnées. À la fin, on quitta la table, chacun se retira dans sa chacunière et rêva d'une pluie d'or tombant du ciel dans de sonores bassins d'argent. En dépit du proverbe, le lendemain d'une fête est rarement gai. M. Sénéchal se leva, la bouche amère, la tête lourde, et songea mélancoliquement qu'il avait une démarche fort désagréable à tenter près de Maître Boblig. Il s'agissait de verser à Bouillard les 400 francs, montant de la quote-part de Mme Sénéchal dans la somme promise à la Genevraie. Or, les réunions d'héritiers, les soupers, les toilettes achetées à Angèle, avait complètement détruit l'équilibre du budget de la communauté. Il fallait solliciter du notaire une avance sur les appointements à venir, et Maître Boblig n'était pas prêteur. Ce fut donc en tremblant que Sénéchal entra dans son cabinet et lui exposa sa requête. Le notaire savait déjà la palinodie de son maître clerc. Il regardait son enrôlement parmi les héritiers Morel comme une injure personnelle, et il s'était bien promis de se venger un jour ou l'autre. Il écouta la demande du bonhomme avec une froideur hypocrite. « 400 francs, dit-il. « Vous avez donc quelque acquisition en vue, Sénéchal ? Un lopin de vigne, hein, mon gaillard ?»« Non, répondit l'autre avec embarras. « J'ai un paiement à faire et c'est tout. » Le petit notaire avait déjà flairé le motif de l'emprunt. « Un paiement ? Répéta-t-il. « Êtes-vous endetté ? Pas précisément, mais ma femme est une des héritières Morel et cet argent est destiné à... « Ah ! « Votre femme m'a donné aussi dans le panneau !» interrompit le notaire d'un air glacial. « J'en suis fâché, Sénéchal, mais je n'ai pas d'argent à jeter par les fenêtres, moi. »« Me croyez-vous incapable de vous le rendre ?» s'écria Sénéchal. « Eh ! Qu'en sais-je ? Quelle confiance puis-je avoir dans un comptable assez nigaud pour gober de pareilles sornettes ? Je vous croyais un homme sensé, et vous faites l'acte d'un fou. Non seulement votre solidité financière ne me rassure pas, mais je me demande si je puis encore vous confier le maniement de mes affaires personnelles. » Le rouge monta au visage de l'honnête maître clerc. « Soupçonnez-vous ma probité, monsieur ? » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Me prenez-vous pour un malhonnête homme ? » ?»« Je vous prends pour un sot, » répliqua le notaire d'un ton cassant, « et je dis qu'une caisse dans les mains d'un sot peut aussi bien péricliter que dans les mains d'un fripon. » Sénéchal était devenu pourpre, ses oreilles tintaient, et la colère le travaillait. « Ah ! fit-il exaspéré. « C'est bien. Attendez-moi un instant, monsieur Boblick. » Il courut à son bureau, établit fiévreusement la situation de sa caisse, rassembla ses papiers, mit les écus dans un sac et rentra dans le cabinet où le notaire achevait tranquillement la lecture d'un acte. « Maître Boblick, dit en frémissant le vieux sénéchal, « voici mes comptes, vérifiez-les. Puisqu'une probité de 30 ans n'est pas une garantie pour vous, je ne suis plus votre homme, et vous pouvez me remplacer. » Le notaire ajusta ses lunettes, poussa négligemment près de lui l'argent et les papiers. « Ah, vous avez de l'orgueil, » dit-il ironiquement. « Cela c'est bien, un futur millionnaire. J'examinerai vos comptes à loisir et je vous enverrai votre quitus, s'il y a lieu. » Sénéchal tira de sa poche un trousseau de clés et le déposa silencieusement sur le bureau, puis il prit son chapeau et ouvrit la porte. « Adieu, monsieur Boblick. »« Adieu, monsieur Sénéchal, » glapit le notaire de sa voix la plus incisive. « Que les millions de Morel vous fassent grand bien, et souvenez-vous qu'on ne rentre pas chez moi aussi facilement qu'on en sort. » Sénéchal s'en revint rue de Savonnières, la tête flottante et le cœur brisé. « Qu'as-tu ? » s'écria Angèle, en le voyant tout pâle. « Pourquoi reviens-tu si tôt de l'étude ?»« Je ne retournerai plus à l'étude, » dit M. Sénéchal en s'asseyant lourdement, car ses jambes chancelaient. « Je n'y suis plus rien. »